Chronique du hockey mineur de Dolboom Sissigny avec notre ami Danny Lavoie. Salut Danny! Salut, Hey, Daniel. bon, cette semaine, d'abord il y avait la clinique d'arbitre. Comment ça a été? Ça a bien été. Belle clinique en fin de semaine. Beaucoup de nouveaux jeunes qui sont inscrits. Donc, Tabarouette, on est capable de les garder. Ça va nous faire une belle relève pour les années futures avec les vétérans qui reviennent. Donc, cette année, heureux problème. On va avoir un petit peu plus d'arbitres que d'habitude. C'est très OK. bien. Quoi, une vingtaine à peu près? J'ai OK. pas le nombre exact. Peut-être que Luc pourrait nous éclairer là-dessus. Okay. Mais je sais qu'il m'a dit qu'il n'avait plus OK. que d'habitude. C'est bien. Dis-moi maintenant, les camps d'entraînement des Castors, et on a toujours une chronique avec Daniel Tremblay, mais tu peux en parler aussi, le hockey mineur. Ça va bien, les Castors, et je pense qu'ils vont avoir une meilleure année. Ça ferait du bien, une bonne année, parce que les Castors, ça fait une couple d'années là, qu'ils n'ont pas eu... qui ont eu ça difficile, là. Oui, je pense que cette année, ils vont être un peu plus compétitifs que par les années passées. En tout cas, ça annonce bien jusqu'à maintenant. Là, les résultats ont été bons dans les matchs pré-saison. L'équipe est sur la bonne voie. D'ailleurs, c'est le début de saison cette semaine, donc on va pouvoir les suivre et voir comment que ça va aller dans les prochaines OK. Les assistants, sais-tu comment que c'est bon au Castor régulier? Ben, je sais que les autres années, c'était difficile. Est-ce que c'était un petit peu mieux? Ben, je me dis que ça va aller avec la performance ouais, de l'équipe. C'est sûr. Si l'équipe performe un peu, puis qu'il y a des résultats intéressants, puis qu'ils sont capables de nous donner un bon spectacle, ben, je pense que le monde va revenir à l'aréna. Puis d'un autre côté, cette année, avec l'abandon de la mise en échec, ça va être comme un peu un nouveau calibre de jeu. Bon, donc, ça devrait peut-être attirer des nouveaux clients. Sinon, ben, surprenant pareil, hein. Hey, finalement, oui. Puis ça, est-ce que les camps d'entraînement pour le hockey simplette et sont commencés aussi? Oui, les camps Sainte-Lolette battent leur plein depuis une couple de semaines. Normalement, cette fin de semaine, on va assister normalement à la formation des équipes là, pour la tombe en montant dans les catégories. Donc, dimanche, on devrait avoir une idée un peu plus juste du nombre d'équipes puis de la manière dont elles vont être. Est-ce qu'au niveau Sainte-Lolette, ça a été facile de trouver des entraîneurs aussi? C'est toujours un petit peu plus compliqué okay. que pour le double lettre, mais cette année, ça s'est bien passé quand même. On en avait parlé il y a quelques semaines ensemble, puis ça a été mieux que par les années passées. Fait que je pense qu'on peut être satisfait le point. OK. Dernière affaire, tu as posté quelque chose vendredi, c'était sur les entraîneurs et ainsi de suite. Est-ce que tu as eu comment on pourrait dire des feedbacks là-dessus? Oui, on a eu des feedbacks. Écoute, on a fait une rencontre avec quelques parents qui désiraient au niveau des catégories à tombe. Puis oui, pour éclaircir un petit peu les points là, sur le comité de sélection pour déterminer le bon calibre des jeunes joueurs. Et c'est Robin Boulian, le responsable des entraîneurs, puis le responsable de ce projet pilote-là, qui a fait la rencontre avec les parents. Et ça s'est très bien passé. Beaucoup de parents avaient beaucoup de questions. Robin a trouvé réponse à leur fournir. Donc, tout le monde a été bien satisfait de la rencontre, bien apprécié. Puis, tout le monde a embarqué dans le processus okay. après cette rencontre. Ben, Danny, on s'en parle quoi, mercredi prochain? Oui, on remet ça à mercredi. OK, mais même pas. Donc, c'est le président du hockey mineur, Danny Lavoie.